Je sais ce que vous allez me dire, reprit-elle en montrant Wenceslas dont le désordre était une preuve trop évidente pour être niée. Ceci me regarde. Si je pouvais vous aimer après cette trahison infâme, car vous m'avez espionné, vous avez acheté chaque marche de cet escalier, et la maîtresse de la maison, et la servante, et reine peut-être. Oh, que tout cela est beau! Si j'avais un reste d'affection pour un homme si lâche, je lui donnerais des raisons de nature à redoubler l'amour. Mais je vous laisse, monsieur, avec tous vos doutes, qui deviendront des remords. Wenceslas, ma robe. Elle prit sa robe, la passa, s'examina dans le miroir, et acheva tranquillement de s'habiller, sans regarder le Brésilien, absolument comme si elle était seule. Wenceslas, êtes-vous prêt? Allez devant. Elle avait du coin de l'œil et dans la glace espionné la physionomie de Montès. Elle crut retrouver dans sa pâleur des indices de cette faiblesse qui livre ces hommes si forts à la fascination de la femme. Elle le prit par la main en s'approchant assez près de lui pour qu'il pût respirer ces terribles parfums aimés dont se grisent les amoureux, et le sentant palpiter, elle le regarda d'un air de reproche. « Je vous permets d'aller raconter votre expédition à M. Crevel. Il ne vous croira jamais. Aussi ai-je le droit de l'épouser. Il sera mon mari après-demain, et je le rendrai bien heureux. Adieu, tâchez de m'oublier. »